Vendredi 14 octobre, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous pour la prochaine heure. Cette semaine, premièrement, vous avez été plusieurs à me parler d'analphabétisme de la semaine dernière. Et puis vraiment, je tiens à remercier encore une fois Alphabet et Avanier qui nous ont gentiment donné un livre qui raconte les histoires des gens qui ont fréquenté Alphabet et qui fréquentent encore Alphabet. Donc, je les remercie. J'ai fait tirer à partir de la page Facebook les différents pages que vous pouvez aussi... écoutez, j'ai de la misère ce matin avec ma voix. Pardon. Donc, ce que je disais... C'est que, ben écoutez, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Les Différents. À partir de là, ben écoutez, quand les invités nous amènent des surprises comme ça, ben moi, je les fais tirer, je les garde pas pour moi et puis je donne au suivant. Ce matin, le sujet, c'est pas un sujet qui est super facile. On parle de rejet familial, l'exclusion dans la famille, être mis de côté, qu'on prenne le terme qu'on voudra, mais reste que c'est du rejet. Donc, pour la plupart des gens, on vient au monde dans une famille. Bon, papa, maman, les frères, les sœurs, des fois. En ayant la croyance populaire, puis je pense pas que c'est juste au Québec que ça fonctionne comme ça, mais qu'une famille, ben ça se tient coûte que coûte. Mais des fois, ça fonctionne pas. Puis quand on parle d'exclusion familiale, être rejeté de quelque manière que ce soit par sa famille, ben c'est un sujet qui est très tabou. Puis il y a plusieurs formes de rejet qui existent, puis on va en parler justement ce matin. Puis dans le cas où est-ce que la maladie est constamment présente, par exemple, la famille peut commencer à s'éloigner ben peu à peu. Ce matin, je reçois avec aux différents, je reçois Diane Côté qui, elle, est atteinte. Écoutez, c'est une maladie orpheline, je vais la laisser dire parce que c'est assez complexe comme nom. Mais elle vient nous parler de son expérience face à la maladie, oui, mais comment elle vit sa différence dans la famille? On parle de rejet, donc comment elle l'a vécu, comment elle le vit, puis est-ce... On peut trouver aussi une lueur d'espoir au travers de tout ça. Puis c'est ça le message que j'aimerais vous faire passer aussi. Oui, ça existe. Oui, je veux en parler. Oui, c'est vrai que c'est tabou. Puis, mais il faut en parler. Et puis, je reçois aussi Denis Viel, que pour les habitués, ben lui-même s'est rendu un habitué. C'est un conseiller en développement personnel et professionnel. Ben bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Denis. Écoute, rebonjour. Tu vas faire de plus en plus de chroniques de que tu vas venir de plus en plus nous parler des thèmes qu'on parle de psychologie, que ce soit familial, ce matin, c'est ça. J'aimerais ça qu'on explique un petit peu, premièrement, Diane, c'est quoi la maladie orpheline? Déjà, en partant, on va juste expliquer, c'est que c'est pas d'aujourd'hui, là, parce qu'il y a un chemin derrière tout ça. Oui, c'est une maladie qui se développe au plus tard à l'âge de 5 mois. Moi, j'ai commencé à l'âge de 3 mois à faire de l'hyperplexie. OK. Ou maladie du sursaut en français. OK. Ben moi, je l'aurais peut-être plus identifié comme ça parce que c'est bien compliqué à dire pour moi. Mm-hmm. Dans le fond, ça, c'est... Depuis le jeune âge? Oui, de 0 à 5 mois ou plus tard que ça se développe. Et puis, quand je parle qu'il y a un lien à faire là-dedans, il y a aussi la famille qui n'a pas le choix de suivre... Oui, il n'y a pas le choix. Puis, quand on parle de maladie orpheline, pour ceux qui nous écoutent, c'est une maladie, dans le fond, c'est une maladie que peu de gens ont et que les recherches sont peut-être moins présentes? Les recherches sont toujours présentes, mais okay. Parce qu'on a un très bon groupe de chercheurs ici au Québec qui est financé par l'Europe plus que par le Québec ou le Canada. OK. Donc, si je regarde, par exemple, je vais aller voir Denis, on va expliquer qu'est-ce que c'est à la base le rejet. Dans le fond, c'est quoi quand on parle de rejet familial? Parce qu'il y a différentes formes, là. Aller, au minimum, on ne tient pas compte de la maladie, on n'en parle pas, on en fait un sujet, c'est une réalité qu'on occulte le plus possible. Donc déjà, c'est une partie de la réalité de l'enfant ou du parent, parce que le rejet familial, ça touche, ça peut toucher les enfants, ça peut toucher les parents aussi. Il y a des parents qui se font rejeter, il y a des enfants qui se font rejeter dans la réalité. Mm-hmm. Donc, ça part de, on ne tient pas compte de la réalité de la personne, on n'adapte pas l'environnement, on n'aménage pas le rythme de vie, on souhaite que l'enfant suive le rythme de tout le monde, et on fait sentir à l'enfant ou aux parents que son incapacité ou sa limitation dérange, par exemple, ça peut être ça. Et à l'extrême, ben le contact est coupé complètement. Mm-hmm. C'est un rejet catégorique, on n'ouvre plus la porte, on ne entre plus en contact, on refuse toute communication. Et encore là, ça peut toucher autant les enfants que les parents. Mm-hmm. Dans certaines familles, un ou les parents sont rejetés complètement à cause d'un ensemble d'expériences reliées à la maladie. Mais je lisais justement dans la presse, oui, ça date de quelques années déjà, mais par contre, c'est très d'actualité, même si ça fait 6 ans de cet article-là, où est-ce qu'on disait que maintenant, c'est de plus en plus les enfants qui vont quitter, qui vont, dans le fond, pas rejeter leur famille, mais qui vont se séparer de la famille plus que les parents. Avant, on entendait beaucoup « je vais te déshériter »,« je te renie », bon, on entendait les histoires de famille. Il y en a tout un autour de nous qu'on a entendu, presque tout le monde. Maintenant, c'est de plus en plus les enfants. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Il est difficile dans une société, je reviens souvent sur cette base-là, mais c'est quand même, on a connu une évolution sociale axée sur le matérialisme, dans une optique très compétitive, très capitaliste de l'existence, où il faut être fort, il faut être puissant, il faut être capable d'être autonome, de s'auto-gérer, de s'auto-occuper de soi. Et quand il y a des besoins particuliers, souvent, il peut y avoir justement une difficulté d'aider, de supporter, parce que ça ne correspond pas plus nécessairement aux valeurs qui sont valorisées. Mm-hmm. Je vous donne juste un exemple. Le fameux livre Le Secret qui avait fait un si grand tabac, ouais, quand il est sorti. Oh, certains, oui, passages disent, si tu veux devenir riche, tiens-toi loin des pauvres. Si tu veux rester en santé, tiens-toi loin des personnes malades. Mm-hmm. Cette simple expression est comme un bon symptôme de ce qui se passe autour de la faiblesse ou de la fragilité dans notre société en général. Mm-hmm. Puis, pour toi, Diane, comment ça s'est reflété dans ton histoire, parce qu'on n'a pas eu le temps beaucoup là de... Je t'ai présenté rapidement, mais je voulais tout de suite aller dans le sujet pour expliquer. Mais de ton côté, comment ça s'est représenté, par exemple, l'exclusion de la famille, comment c'est? Oh mon Dieu, ça a commencé par ma grand-mère paternelle, parce que quand j'ai fait ma première crise à l'âge de 3 mois, les parents, ils se demandaient s'il y avait déjà eu des cas auparavant. Puis ma grand-mère paternelle, elle a dit à mon père au téléphone, « Débarrasse-toi d'elle, ça va être un paquet de troubles, puis point à la ligne. » Fait que mon père était pris entre l'arbre et l'écorce, parce que pour lui, c'était normal d'aimer sa mère, mm-hmm, mais il avait son épouse et son premier enfant qui était atteint de maladie. Fait que il n'a pas fait ni un ni deux, il a toujours gardé le contact avec sa mère, mais elle ne m'a jamais accepté, puis je me suis jamais entendue très, très bien avec elle non plus. Mais ça doit pas... C'est ça, lui, dans le fond, comme vous dites, il était pris entre l'arbre et l'écorce. Oui. Ça, lui aussi, il a vécu ça là, quelque part, là, à un moment donné, oui, si on regarde. Puis, en vieillissant, comment la famille est présente quand on voit que ben c'est pas un rhume, là, ça s'en va pas, cette maladie-là? Non, c'est quand on a ça pour la vie. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai été la personne qui a été le soutien de la famille pour garder les enfants, parce que j'étais bonne pour ça. Puis, par la suite, ça a été continuellement, là, sans me demander mon avis, on m'amenait les enfants à garder régulièrement. Puis, mais est-ce que cette maladie-là empêchait de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'elle empêchait d'aller à l'école, de faire les choses dans la maison? Parce que là, oui, c'est là vous dites vous étiez la gardienne de service. Mm-hmm. Mais sinon, est-ce que ça empêchait? Est-ce que vous aviez une vie normale? Ou... Bien, les effets de médicaments ont provoqué que le dilantin, le phénobarbital, on a appris ça en 2000 seulement, provoquait la dyslexie. Donc, j'avais beaucoup de misère à l'école parce que je ne rentrais pas. Mais ce qui ne devait pas aider. Ça ne pouvait pas aider non plus. Fait que à ce moment-là, j'étais obligée de prendre ma médication parce que sinon, j'aurais fait des crises à répétition et sans médication, je ne marche pas. OK. Oui, c'est quand même... Oui, Denis. Et ça prend un certain temps avant que tu puisses marcher. Oui, ben moi, personnellement, j'ai commencé à marcher pour de bon à l'âge de 5 ans. J'ai marché 2 semaines à l'âge de 19 mois, mais on savait que c'était juste temporaire parce que j'avais pas eu de médicaments de 0 à 18 mois. Puis quand tu dis qu'on amenait que tu gardais tes frères, tes sœurs, il y a une période où tu ne marchais pas non plus. C'était difficile. Oui, j'ai été à 14 ans et 3/4. J'ai été 4 mois et demi sans marcher. Puis, je devais garder les enfants quand même, là. Fait que je me traînais à 4 pattes pour garder mes sœurs et mon frère. Puis la famille se tenait-tu ou comment ça fonctionnait? Parce que là, avoir à tenir, à se promener quasiment à 4 pattes là, pour se déplacer parce que cette maladie-là nous coupe les jambes pratiquement, là, oui. De ce que je comprends. Puis de continuer pareil, tout ça, est-ce qu'il y avait un soutien familial? Je parlais dans l'introduction justement de ça, que tu sais au Québec, puis même partout ailleurs, on est habitué à entendre une famille, ça se tient, c'est soudé, on se tient... J'étais la dépanneuse de ma mère. Puis, j'étais vraiment la dépanneuse de ma mère. Puis ça, Denis, est-ce que c'est rare, justement, la personne? Est-ce que ça fait partie un peu du processus? Bien, là, on a un exemple d'un environnement, d'une famille ou d'une responsable de famille qui ne tient pas compte de la réalité physique d'un de ses enfants, mm-hmm. et impose une responsabilité, c'est-à-dire s'occuper d'enfants plus jeunes, alors qu'elle n'est pas physiquement apte à le faire. Mm-hmm. Ça, c'est une forme de rejet, c'est une forme de déni de la réalité. C'est une façon de dire je ne tiendrai pas compte de, mm-hmm. de ton état, je ne tiendrai pas compte de tes besoins et tu vas m'aider. Hein? Donc, on voit que là, l'environnement ne se... Est-ce qu'on teste la personne? Bonne question, peut-être. C'est une bonne question. Pas pour moi. Il arrive qu'on ne croit pas aussi au diagnostic. Il arrive qu'on ne croit pas le médecin. Il arrive qu'on pense que c'est une maladie mentale ou une maladie ou un enjeu de manipulation. On peut croire ces choses-là, même si le médecin confirme non, il y a un diagnostic, il y a effectivement une maladie, mm-hmm. il y a effectivement des conséquences, ce n'est pas de la manipulation. Malgré ce que peut dire un médecin, il arrive parfois que les membres de la famille vont dire « elle nous manipule, il nous manipule, ce mm-hmm. n'est pas vrai ». C'est une forme de déni, encore une fois, on ne veut pas assumer, même avec un avis médical, parfois, que la réalité est ce qu'elle est, que la personne, membre de la famille, n'est pas comme les autres, qu'elle est différente. Bien, c'est ça, c'est... Puis, on comprend à un moment donné que quand les médecins approuvent tout ça, ils disent, ben oui, mais dans des cas où les médecins continuent à chercher, parce que la maladie, un exemple, qui est encore plus rare ou qui est encore moins connue, ou peu importe l'époque qu'on est rendu dans la médecine, qu'est-ce qui se passe dans la famille dans ce temps-là quand les médecins, même eux, doutent? Est-ce que là, on se rend compte comment l'enfant, si admettons on prend un enfant, ou parce que c'est souvent à cet âge-là, c'est très jeune, ou bon, peut-être dans l'adolescence, comment on réagit au niveau de la famille? Oui, oui. Ben, j'ai envie de dire, ça dépend du climat familial, ça dépend des valeurs familiales. Il y a des familles qui vont, c'est sûr, ça crée un questionnement. Hein? L'enfant manifeste des malaises, la médecine ne trouve pas. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est... Vous savez, même les enfants font de l'anxiété aujourd'hui. Et l'anxiété peut, par exemple, se manifester à travers un ensemble de symptômes physiques. Et aux examens médicaux, on ne trouve pas la cause, mais dans le fond, c'est l'expression d'un malaise qui se somatise. Mais ça peut arriver que la famille dise, bon, là, c'est pas vrai, là, tu joues avec nous. Mais l'enfant peut être sincère. L'enfant peut ressentir le malaise dans son corps, mais ça peut parler d'un malaise plus affectif, plus psychologique. Mais quand les médecins trouvent pas, ben c'est sûr que pour les parents, parfois, ça fait, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ils trouvent pas, fait trois fois qu'on va passer les examens, ils trouvent pas, t'as toujours les mêmes symptômes. Ouais. Alors, ça, parfois, ça entraîne une rigidité. Hein, on va quand même, à ce moment-là, se rigidifier parfois et imposer à l'enfant de ne pas tenir compte du malaise, sans nécessairement creuser. Parfois, on va chercher. Il y a des familles, la majorité des familles ont le souci de leurs enfants, ont le souci de les comprendre, de les aider. Mais il arrive parfois qu'il y a des familles qui font répondre à l'impuissance, parce que ça crée une forme d'impuissance, une incompréhension, par une forme de rigidité, par une forme de culpabilisation de l'enfant, ou de « Ah, bon, là, tu joues avec nous, les médecins n'ont rien trouvé, allez, go, go, go, on y va. » Oui, puis je vois, justement, je vois Diane rire, je pense à ce petit que... Est-ce qu'on parle... Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? Mon père était... Ça a l'air familier, en tout cas. Là. Oui, mon père... Il y avait pour son dire que je serais capable de faire pareil comme tous les autres enfants. Puis, il disait toujours, t'es capable, Diane, envoie, go. Puis ma mère, sur un certain point, était surprotectrice. Donc, elle m'empêchait de faire des choses que j'aurais aimé essayer de faire. Puis, elle m'en empêchait parce qu'elle se disait, elle n'est pas capable. Fait que autant je pouvais être dépanneuse pour elle sur certains points que sur d'autres choses, il n'y en était pas question. Peut-être raconter comment tu as appris à faire de la bicyclette. Oui. Mon père, c'était un homme qui voulait tellement que je sois capable de faire de la bicyclette. Il avait acheté une bicyclette à Lancan de Napierville dans le temps. Puis on demeurait à Saint-Philippe-de-la-Prairie. Puis c'était toute la gravelle qu'on avait dans notre entrée. Puis, il y avait pour son dire, si ta sœur Lise est capable de faire de la bicyclette, toi et tout, tu vas être capable. Fait que, à tous les soirs que le bon Dieu amenait quand papa arrivait, Diane va chercher la bicyclette. Et Diane, elle a embarqué sa bicyclette, elle tombait aussi vite. Fait que, elle s'est faite des bleus, puis des pocs un peu plus souvent. Jusqu'au jour où ma mère, qui était enceinte de 6 mois, arrive sur le balcon, puis, Maurice, lâche-la, je suis plus capable! Mais c'est ça, des fois, il y en a qui vont être surprotecteurs aussi, puis il y en a qui vont... ça va des deux bords. Ouais. Mais si on revient au rejet, comment ça commence? On en parlait un peu tantôt, mais si on rentre un petit peu plus dans le sujet, le rejet familial, on reste dans la famille tout le temps. Oui, Diane est ici comme exemple pour nous parler. Par exemple, elle, de son côté, ça a été avec la maladie, par exemple, qui a eu ce rejet-là. Mais comment on peut déceler? Comment toi, t'en vois passer là, comme en tant que conseiller? Ben, je dirais, si on reste dans le secteur de la maladie, et là, on parle de maladie génétique. Actuellement, Mais en général, que oui, on va parler de maladie, mais même en général, pour les gens qui nous écoutent, qui... Ou ça peut être relié à l'orientation sexuelle, ça peut être lié à un choix de mode de vie qui ne correspond pas nécessairement à ce que la famille souhaiterait, mais l'enjeu reste le même, c'est-à-dire que c'est un refus. Ça demeure un enjeu qui est lié à je ne peux vivre avec cette réalité-là. Je ne peux accepter que tu me dises et que tu vives, exemple, l'homosexualité. Hein? La situation se corse généralement autour de l'adolescence, parce que c'est là où l'enfant va s'affirmer plus, va prendre plus sa position, et donc la résistance va généralement augmenter. Et puis quand l'enfant commence sa vie d'adulte, bon, c'est sûr que si l'enfant ne vit plus avec les parents, ben le mode de vie va correspondre généralement plus à ce que l'enfant souhaite comme jeune adulte. Et encore là, la critique va arriver, le malaise va s'exprimer par le fait soit qu'on critique les choix, on critique le mode de vie, ou on va restreindre les contacts. Hein, tout d'un coup, les contacts vont se restreindre, ou la demande de support va frapper un mur. Ça, c'est généralement graduellement comme ça. Des fois, il y a un rejet pur et net. Il y a des enfants qui se font mettre à la porte, hein, une fois qu'ils sont rendus majeurs, ou même plus tôt. Il y a des enfants qui décident de quitter parce que c'est invivable à la maison aussi. Ça revient à ce que je disais tantôt, que de plus en plus de jeunes vont décider de quitter aussi parce que c'est invivable, parce qu'ils voient qu'ils ont peut-être plus de choix. C'est difficile de vivre dans un environnement qui refuse votre réalité. Mm-hmm. Une réalité que vous n'avez pas nécessairement choisie non plus. Hein, une maladie génétique, on ne choisit pas, on vit au monde avec. L'orientation sexuelle. On ne choisit pas non plus, c'est ça. C'est tellement compliqué. Vivre avec la différence, on ne va pas s'imposer en plus ou choisir d'augmenter nos difficultés. Hein? On va plutôt chercher à rendre notre vie plus facile. Donc, il y a des modes de vie, on ne les choisit pas. Il y a des modes de fonctionnement, on ne les choisit pas. On vient avec. Mm-hmm. Et il y a des familles qui ne peuvent pas accepter ça. Des fois, c'est les parents qui sont malades aussi. C'est les enfants qui ne peuvent pas accepter non plus la maladie du parent et qui vont couper les liens. Mm-hmm. Ça va dans les deux sens. On va faire une petite pause. On va aller en musique. On va revenir après la pause, puis on va parler. J'aimerais ça qu'on parle, parce que j'essaie quand même de donner espoir, parce que je pense qu'il y en a, là-dedans. Au travers de tout ça, puis donner espoir aux gens qui vivent peut-être ça, puis qui nous écoutent. On va parler quand même de séparation et de deuil, parce qu'il y a un deuil à faire. Il y a un deuil de la famille parfaite, de la famille qu'on souhaite avoir. Et puis, j'aimerais ça qu'on aborde ce sujet-là, Denis et Diane. La famille nous met de côté, ou qu'on décide des fois de nous autres même de s'exclure de la famille. Et puis, on arrivait, Denis, au point où est-ce que je voulais parler de la séparation, le deuil de la famille parfaite. Comment ça se passe dans la majorité des cas, qu'on soit atteint d'une maladie chronique ou peu importe, dans tous les cas, ou à peu près? Que ce soit les enfants qui se sentent rejetés des autres membres de la famille, ou d'un parent ou des parents qui se sentent rejetés de leurs enfants, c'est une grande source de souffrance. Hein? Les enfants souhaiteraient pouvoir maintenir une relation saine avec leurs parents. Les enfants, ils aiment leurs parents. Et les parents qui se font rejeter par leurs enfants, c'est la même chose. Ils souhaiteraient pouvoir maintenir la relation avec leurs enfants parce que c'est pas juste les enfants, hein, parce que les enfants grandissent, ils se marient, ils ont des petits enfants. Et parfois, il y a mm-hmm. des grands-parents qui n'ont jamais pu rencontrer leurs petits enfants. Donc, on voit que ça peut aller loin dans le temps, dans la durée. Donc, il y a une souffrance à ça. Il y a un processus de deuil à vivre. Et comme tout processus de deuil, il y a des étapes. Mais peut-être que Diane pourrait communiquer son expérience à ce sujet-là. Ben oui, justement, Diane, il y a aussi un lien avec, on parlait tout à l'heure, vous, enfants, avec la maladie. Oui. Mais il y a aussi le côté en tant qu'adulte et vos propres enfants aussi. Oui, mes enfants, ma fille m'a renié il y a 13 ans passé. Et mon fils, ça va faire 12 ans au mois de janvier, qui a décidé de m'enlever de sa vie. Puis, dans ce cas-là, c'est de l'influence, aide trop indiscrète, mais quand même, c'est la raison principale pour que ces deux enfants décident de quitter. Ma fille, c'est parce que elle était dépendante affective, fait que elle faisait ce que son chum voulait absolument qu'elle fasse. Fait que, en étant un très bon manipulateur, ben, il a réussi ce qu'il voulait. Puis mon fils, c'est l'influence familiale du côté de sa conjointe. Mm-hmm. Parce que eux autres, il y avait plus de fonds monétaires que moi je pouvais. Fait que je pouvais pas faire des gros cadeaux comme eux autres ils voulaient faire. Fait que ça a été de ce mm-hmm. côté-là. Ça a été le monétaire qui l'a emporté sur ce que je pouvais offrir à mes petits-enfants. Fait que mes petits-enfants, je les connais pas. J'en ai trois, puis je les connais pas. C'est... Denis, oui? L'aspect monétaire, c'est un enjeu important dans plusieurs situations. Oui. On parle d'un contexte, comme je dis souvent, mm-hmm. qui est assez matérialiste actuellement dans plusieurs familles. Quand tu as une maladie chronique, c'est sûr que l'accès au marché du travail... t'as pas les mêmes possibilités. Tu te ramasses souvent sur l'aide sociale. Déjà, il y a des préjugés du fait d'être sur l'aide sociale. Ouais. Mais dans le cas de Diane, c'est la maladie là, qui a fait qu'elle ne pouvait pas travailler. Exactement. Mais il y a des gens qui font c'est pas ça. La différence. Hein. Et il y a des gens qui croient pas au handicap ou à la maladie. Quand c'est contrôlé, je veux pas te couper, mais surtout quand c'est contrôlé, comme Diane, si elle prend pas ses médicaments, il y a des rechutes, mais sinon, c'est quand même, ça semble bien contrôlé. Ça a pas l'air d'une femme qui... Non, mais c'est vrai. Moi, vous avez pas l'air d'une femme malade. Moi, je vous vois sur la rue, je pense pas que... Non, c'est pas marqué dans le front. Ben non, c'est ça. Comment tes enfants considéraient ta maladie? Mes enfants, quand ils étaient jeunes, ils étaient habitués parce que je me suis jamais cachée quand j'avais une crise à faire. Donc, je les avertissais, OK, maman va se coucher, elle va faire sa crise, puis elle va revenir. Ils disaient, OK, maman, pas de problème. Mais non, c'est en côtoyant leur conjoint respectif que ça commençait à débouler. OK. Tu me disais qu'il avait fallu qu'il y ait une rencontre entre le médecin et tes enfants. Oui, mon neurologue, Dr. Frédéric Enderman, les a rencontrés par deux fois pour leur expliquer que leur agissement était mauvaise pour moi, mais les deux fois, ça n'a rien donné. Fait que quand il faut vraiment que... ben là, dans ce cas-là, c'est un spécialiste, c'est un docteur qu'il faut qu'il rencontre la famille pour prouver que non, c'est pas dans la tête, c'est vraiment physique, tout ça. Ça doit déjà casser un petit peu, là, Denis? C'est sûr que... et à deux reprises. Donc, il y a vraiment, à mon avis, au-delà d'une logique réel, hein, mm-hmm. un médecin qui confirme. Donc, la réponse des enfants là-dedans correspond pas nécessairement à une logique rationnelle. Il y a donc probablement des enjeux affectifs sous-jacents. Malheureusement, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de communication, on peut pas aller nettoyer les choses qui amène les comportements de rejet. Mm-hmm. Donc ça, c'est un enjeu important, là. C'est la communication. Mm-hmm. Si une des deux parties ne veut plus communiquer, on ne peut pas avancer dans une transformation, un ajustement dans la relation. Puis quand la coupure se fait, il y a un deuil à faire à un moment donné. On n'a pas le choix. C'est un deuil qui est provoqué parce que ces gens-là sont encore en vie. Oui. C'est pas comme si on les perdait du jour au lendemain, d'un accident ou peu importe. On les a encore, on a encore le numéro de téléphone. Comment on passe? Je pense que je peux pas le dire, hein, qu'on passe au travers. C'est très difficile. En tout cas, dans mon cas, personnellement, c'est un deuil que je vis jour par jour. Mm-hmm. Et je ne me fais plus d'illusions comme de quoi qu'il va y avoir un retour. S'il y en a un, tant mieux. Mais ça va être à mes conditions, par exemple. Mm-hmm. Parce que quand même un espoir qui est toujours là, une petite flamme, là. Oui, surtout qu'on voudrait bien connaître nos petits-enfants. Parce que le plus jeune a 10 ans, puis le plus vieux aura 13 ans au mois de janvier. Fait qu'à ce moment-là, on a toujours l'espérance de connaître au moins ses petits-enfants, mm-hmm. un jour ou l'autre. Puis, ça me rappelle l'histoire d'une femme que j'ai connue, qu'elle aussi avait vécu ça. Et puis, maintenant, elle est rendue dans la vingtaine, cette jeune fille-là. Et la femme en question que je parle a même vu, puis ça, Denis, peut-être tu vas pouvoir m'expliquer, son fils avait même écrit dans le journal de la région les noms des grands-parents et c'était pas le sien. Ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire que les grands-parents, c'était, bon, son oncle et sa tante qui s'en étaient occupés après son adolescence, tout ça. Mais la personne qui voit dans le journal qu'elle n'est même pas la grand-mère, que c'est d'autres noms qui sont inscrits, comment on réagit? Comment le deuil il doit être off là, dans ce temps-là? Bien, ça vient rendre... L'histoire de Diane me rappelle cette histoire-là. C'est que ça vient rendre officiel comment la famille oblitère complètement la personne. Comment ça symbolise clairement « tu n'es pas de la famille ». Parce que là, c'est dans le journal. Là. Exactement. Ouais. Ça officialise comment la famille rejette totalement. Okay. Au point de dire, on ne te reconnaît plus. Puis, il y a rarement des retours, hein? Ça existe. Mais il y a rarement des retours ou je me trompe? Bien, dans ma pratique, on voit surtout des situations entre deux. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il n'y a pas de contact. Puis, ah tiens, ça revient. Mm-hmm. Puis après ça, il y a une nouvelle distance qui s'installe. Surtout quand on parle d'une maladie génétique, souvent on transmet à l'enfant notre maladie. Mm-hmm. Tu sais, ouais. Si le diagnostic n'est pas clairement posé avant d'avoir des enfants, il arrive parfois qu'on a des enfants et qu'on transmet la défectuosité génétique à notre enfant. Et quand la maladie est diagnostiquée, c'est pas juste une crise pour la maman ou le papa ou le couple, c'est aussi « Ah, mon enfant a aussi le gène et va donc souffrir de la même maladie. Quand l'enfant devient adolescent, quand l'enfant grandit, il doit intégrer cette réalité-là. Et parfois, émotionnellement, ça passe par des périodes de rejet vis-à-vis le parent qui était porteur du gène, par exemple. Tu sais, autant l'apprivoisement de la maladie, le travail autour de l'apprivoisement de la maladie va comme beaucoup influencer la relation avec le parent. Si je refuse ma maladie, c'est sûr que je vais avoir tendance à mettre une distance avec le parent qui manifeste les signes de cette maladie-là que je vais mm-hmm. éventuellement ou que j'ai développée. Mais si je comprends bien, dans le fond, il y a beaucoup, on s'en veut à nous-mêmes quand on est le parent qui transmet, par exemple, comme dans le cas de Diane, si je me trompe pas, c'est génétique, cette maladie-là? Oui, c'est génétique, puis dans mon cas, on n'a pas encore trouvé le gène défectueux. OK. Ouais, ben c'est quand la mère ou le père, ben les parents trouvent ça, on doit s'en vouloir en tant que parent. Est-ce que des fois, ça peut faire un creux entre les deux? Oui, ça peut faire un creux. Oui, hein? Parce que moi, je l'ai appris en 1994 okay, que c'était un gène défectueux que les deux parents avaient été porteurs. Et est-ce qu'ils savaient? Ben non, les parents ne savaient pas. Il n'y avait jamais eu de maladie auparavant. OK. Fait que ils n'avaient jamais entendu parler. Donc à ce moment-là, moi je leur en ai jamais voulu. Je leur ai dit, vous le saviez pas. Ben non. Vous êtes pas coupable de quoi que ce soit. Puis j'ai dit, même si vous le saviez. Les chances, c'était 50%. Mm-hmm. Donc 50%, me dire comme on dit, mes enfants l'ont pas. Puis mes petits-enfants, supposément, ils l'ont pas non plus. Sinon, j'aurais été contactée sûrement à ce moment-là. Ouais. Mais non, ça, c'est de génération en génération. Ça dépend de chaque famille. Est différente. Oui. Chaque cas, ça, même dans la même famille, est différente aussi. Puis, Denis, je reviens parce que j'aimerais ça, avant qu'on fasse une mini-pause musicale, qu'on puisse parler du deuil de la famille. Oui. J'aimerais ça t'entendre à ce sujet-là. C'est une blessure importante. Ça se fait pas rapidement. S'il y a des contacts de temps à autre, en plus, donc on se trouve parfois à revivre les périodes de séparation à plusieurs reprises, parfois. Mm-hmm. Hein? Ouais. Donc, il faut développer une approche de la vie qui est différente. Dans ce cadre-là. On connaît tous, ça a été amplement médiatisé, tout ce qui touche les étapes du deuil, hein, la colère, la révolte, la peine, la résignation, finalement, une reconstruction, une forme de remise en structure. Est-ce que ça peut pas être plus long qu'un deuil, ou est-ce que la personne est décédée quand les personnes sont vivantes? Oui. Parce qu'on a toujours l'espoir. Oui. On le sait, quand la personne est décédée, on sait qu'elle revient pas. Oui. C'est justement. Oui. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est ça l'espoir du côté de Diane. Il y en a toujours, là. C'est comme, peut-être une comparaison boiteuse, mais c'est quand une personne, par exemple, une personne disparaît, mais qu'on retrouve pas le corps. Le deuil se fait plus difficilement. C'est comme s'il manque un morceau pour compléter le processus. Mm-hmm. Et souvent, même si la personne disparue est retrouvée décédée, au moins on est content d'une part parce que ça vient enfin, on sait. Ça nous permet de finaliser le processus. C'est ça. Le fait de savoir. Exactement. Ça aide le processus du deuil, c'est ça? Oui. Okay. Dans le cas d'une famille brisée, d'une famille écartelée comme ça, on sait effectivement, mes enfants sont là, mes petits-enfants sont là, ou mes parents sont là, ou mes frères et sœurs sont là. C'est comme, comment je fais? C'est comme ça, c'est une blessure qui reste ouverte d'une certaine façon parce que c'est un rejet manifeste, non pas à cause d'un décès, mais c'est un choix, c'est une décision. Là, on fait face vraiment à la notion de rejet au sens plein de ce que ça implique, et c'est là qu'est la blessure. Et on n'a pas le pouvoir de raccommoder, parce que faut être deux pour raccommoder une relation. C'est pas un sens unique. Et voilà, ce qui vient donc, et c'est plus sensible qu'une amitié qui se brise, hein, c'est la famille. C'est il y a des croyances et des valeurs associées à cette notion là que la famille, on devrait s'entraider, se soutenir. Mm. Hein, il y a ce désir-là, cette attente-là. Mm-hmm. Ça fait que le deuil, ça prend vraiment un lâcher-prise total pour dire « j'abandonne et je laisse partir mm-hmm. ». Mais il reste toujours une petite porte. Ouais. Hein, peut-être que si ce n'est pas mes enfants, ça va être mes petits-enfants qui vont me chercher. C'est ça. Hein? Peut-être que... Mais quand je parle de la femme, justement, qui a vu dans le journal qu'elle n'était même pas nommée comme grand-mère, c'est difficile. Tu vois deux noms de grand-mère, mais le tien n'est pas là-dedans. Exactement. Mais il y a toujours cet espoir-là d'un coup qu'elle viendrait me voir. Là, il y a Facebook en plus. Oui. Fait que, t'sais, d'un coup, par Facebook, qu'elle me chercherait, ou moi, je peux la trouver. Fait qu'il y a toujours la fameuse petite porte que tu parles. Et parfois, on sait, on trouve, mais le lien est brisé quand même. Ouais. La personne refuse le contact. Donc, c'est ça. Ça vient dire, on peut même aller voir les photos, on voit l'évolution, mais on ne peut pas contacter. C'est une torture, c'est une douleur profonde qui est maintenu. Mm-hmm. Alors, le travail à faire, c'est intégrer cette réalité-là, puis élargir peut-être la vision de la famille. Il y a la vision de la famille. On a la famille biologique. Oui. Mais il y a aussi la famille de ceux qu'on peut choisir dans notre vie. Mm-hmm. On va faire une pause, puis on va en parler de ceux qu'on choisit dans notre vie. T'es bon, Denis. Tu fais les bons liens dans le bon temps. On va aller écouter le... On va faire une petite pause musicale. On est de retour à l'émission Les Différents. On parle depuis 9 heures de rejet familial. On parle de ce côté-là qui est moins glamour de la famille, qu'on entend moins parler, qui est tabou. Mais j'aimerais ça terminer l'émission pour les minutes qui restent. Comment on apprend à vivre? Parce que je sais, tantôt, j'ai parlé, d'essayer de donner espoir. Puis, mon but, c'est vraiment pas que les gens finissent l'émission en étant déprimés. C'est vraiment pas ça. J'aime parler d'un tabou. Puis, je veux montrer qu'il y a un petit côté de lumière, là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Denis. Je ne sais pas si on peut leur... Non, mais qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Oui, c'est vrai, ils sont séparés, ils sont coupés de la famille, mais qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de bien s'entourer d'amis? Il y a un cheminement possible à faire, c'est-à-dire que notre rôle de parent, c'est de rendre nos enfants autonomes. Mm-hmm. Quand nos enfants deviennent adultes, ce rôle-là se transforme. Hein? Et notre lien à l'enfant aussi. On dit souvent, on est toujours le parent de notre enfant, ou les enfants, ils voient, tu vas toujours rester. Oui, c'est vrai, ils nous donnent la vie, ou on leur donne la vie, mais ils deviennent adultes, autonomes, et la relation doit évoluer. Mm-hmm. Et on doit les concevoir comme des adultes, à un moment donné. Mm-hmm. Oui, c'est nos enfants, mais ça devient des adultes, ils sont des adultes. Le lien affectif doit évoluer. Mm-hmm. Et dans le travail de deuil, on a peut-être cette étape-là à faire aussi, c'est-à-dire, ben, c'est plus ta petite fille, c'est plus ton petit gars, ce sont des adultes. Est-ce qu'on peut conseiller de... Justement, d'aller voir un thérapeute? Oui. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Je vois Diane hocher de la tête, oui. Ben, je crois que ça serait une bonne chose que ceux qui ont coupé les liens aillent voir quelqu'un pour démystifier la vraie raison pour laquelle mm-hmm. ils ont décidé de couper le lien avec le parent. Des fois, ça peut prendre du temps, mais ça vaut la peine d'y aller. Oui, ça vaut la peine d'y aller. Je me dis qu'ils peuvent découvrir des choses qui ne s'attendent pas à découvrir. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, oui, ça serait une très bonne chose pour eux autres aussi. Oui. Vas-y, Denis, oui. Et je disais aussi, tout à l'heure, il y a la famille biologique, mais il y a aussi la famille qu'on peut choisir. Oui. Donc, il y a dans notre environnement des amitiés qui sont importantes. Mm-hmm. On peut choisir d'intégrer dans notre vie des activités où notre désir maternel ou notre désir paternel peut s'exprimer. On peut se créer notre famille. On peut s'entourer de gens avec qui on peut construire une vie riche aussi. Oui. C'est sûr que ça remplace pas les enfants, ça remplace pas les parents, mais en les voyant d'abord comme des adultes, on a le droit d'intégrer d'autres adultes dans notre vie aussi. Mm-hmm. Hein? Des relations qui sont riches et qui nous poussent plus loin dans notre créativité et dans notre fécondité. La fécondité, au lieu d'être biologique, devient alors affective, devient alors relationnelle, humaine, créatrice. C'est un... On va terminer là-dessus. Merci, Denis. Merci, Diane. Merci de votre générosité, Diane, de venir nous parler ouvertement de cette situation-là qui est, comme je le disais tantôt, qui est tabou. Mm. Ben, merci beaucoup. Puis, Denis, on se retrouve pour une prochaine au mois de novembre à peu près. Ça va me faire plaisir. Tu vas revenir parce que t'es toujours pertinent. Puis, merci beaucoup. Nous, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, Je veux parler de cyberintimidation et je vais avoir le centre Cyber Aide qui va venir nous en parler. Vous avez des questions pour eux? Ben écoutez, vous pouvez nous poser des questions vis-à-vis à partir de la page Facebook Les Différents. Donc si vous avez des questions par rapport à vos jeunes et Internet, les Facebook, les textos, les sextos aussi, parce qu'on en parle avec le centre cyber aide. Donc, ça risque d'être intéressant cette semaine, ben la semaine prochaine aussi. C'est tout pour moi cette semaine. Osez être différent, essayez quelque chose de nouveau, et puis vous allez voir, ça va bien aller. Bye bye.